ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, le grand voyage en Amérique d'Alexis de Tocqueville. Ce qui est intéressant chez Tocqueville pour nous, c'est finalement que dans les intuitions que Tocqueville a eues par rapport à la société démocratique, il a comme réussi à cerner un problème qui est central dans la vie démocratique. Comment la vie démocratique est paradoxale, complexe, changeante, chaotique par moments. Et on peut avoir l'impression qu'il n'y a pas d'ordre dans ça. Ce qui est intéressant à lire Tocqueville, c'est que tout à coup, on s'aperçoit que derrière cet apparent désordre, il y a tout à coup des lignes d'ordre. Il y a comme des lignes de cohérence qui apparaissent. Et c'est ça qui est intéressant dans la démocratie en Amérique. Il y a finalement des motifs à la manière dont on vit aujourd'hui. Le philosophe Daniel Jacques, qui parle de la pertinence encore aujourd'hui de lire ou de relire La démocratie en Amérique, ce classique publié en deux tomes en 1835 et en 1840 par Alexis de Tocqueville. Mieux comprendre le monde dans lequel on vit en retournant à cet ouvrage de référence. Mais qui est donc Alexis de Tocqueville? Pourquoi décide-t-il de partir en Amérique au début du 19e siècle? De Tocqueville qui visitera aussi le Bas-Canada lors de son séjour en Amérique. Que pensera-t-il de ce qu'il verra ici? Aujourd'hui, l'histoire, Le voyage en Amérique d'Alexis de Tocqueville. En 1831, Tocqueville part avec son ami Gustave de Beaumont pour l'Amérique où il séjourne un an. Le but officiel de son voyage était d'étudier le système pénitentiaire en Amérique. Mais lui-même, semble-t-il, se proposait dès le point de départ d'écrire un grand livre sur la démocratie américaine. Grand livre qui avait probablement deux objets, l'un de comprendre comment la démocratie était possible outre-Atlantique, et l'autre de préparer la carrière politique de Tocqueville. Car Tocqueville lui-même considérait qu'il était de son devoir, pour lui descendant d'une vieille famille, de participer aux affaires de l'État et de servir en jouant un rôle politique. Le philosophe, sociologue, journaliste, on pourrait en rajouter encore beaucoup autour de Raymond Aron, en 1963, qui décrit en quelques mots le parcours d'Alexis de Tocqueville. Pour nous parler de ce parcours, de son séjour à de Tocqueville en Amérique, l'historien Éric Bédard, habitué de l'émission. Éric, bonsoir. Bonsoir. Raymond Aron, il fait référence, grande famille, c'est un aristocrate de Tocqueville. Exactement, c'est une grande famille du Nord, de la Normandie. Il est né en 1805 et il est mort en 1859. Il est destiné au départ à une grande carrière de juriste au service de l'État, comme son père. Le problème, c'est que au moment où il vit, la France traverse vraiment une grande période d'instabilité. Il naît sous l'Empire de Napoléon en 1805. Il va grandir sous une restauration, une restauration de la monarchie des Bourbons, 1815-1830. Il vit l'avènement d'une monarchie à l'anglaise, plus libérale et bourgeoise avec Louis-Philippe, 1830-1848. Il assiste au retour de la République en 1848 et il est témoin du coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, le neveu de l'autre, qu'il rejette. Donc, en tout, cinq régimes, vous voyez. Ouais. Il va vivre cinq régimes et cette instabilité politique va le marquer au fer rouge. Il va l'amener à repenser son temps. Il sent bien. Son père est un légitimiste. Hein. Son père voudrait le retour de la monarchie absolue. Et lui, il comprend bien, mais il sent que c'est plus du tout dans les plans de l'époque. Ouais. Et il sent que c'est la démocratie qui a, d'une certaine façon, l'éthos démocratique, hein, la perspective démocratique qui est en train de l'emporter, un peu comme une marée montante qui n'arrête pas de s'élever et qui emporte un peu tout sur son passage. Ouais. Et donc, il veut comprendre ce grand mouvement de la modernité. Et il voit tout ça, il analyse tout ça avec l'œil d'un intellectuel. C'est un intellectuel de haut vol. Beaucoup parlent de lui maintenant comme l'un des pères de la sociologie. Exactement. Ce n'est pas vraiment un philosophe. Il n'aborde pas les questions à la manière d'un Hegel ou même d'un Jean-Jacques Rousseau de façon très abstraite et conceptuelle. Ce n'est pas non plus un historien, bien qu'il recourt à l'histoire, un peu comme à son époque des gens comme Jules Michelet. Donc, il a un regard sociologique. C'est un regard sur les grandes questions de société qui est complètement nouveau, qui est novateur. Il s'inscrit dans une perspective qui est celle d'un Karl Marx ou d'un Auguste Comte et cette nouvelle discipline qu'on va appeler plus tard la sociologie. Et donc, il va produire deux ouvrages, mais vraiment marquants. La démocratie en Amérique, on a dit les dates, et il va produire aussi un autre ouvrage pour essayer de comprendre la Révolution française, qui est le grand événement que tout le monde tente de comprendre en France et de situer dans l'histoire longue. Il va publier L'Ancien Régime et la Révolution, premier tome publié en 1856. Mais La démocratie en Amérique, c'est vraiment le livre qui va le faire connaître. Les deux tomes sont très différents. Le premier tome est davantage une description du régime politique américain et une analyse extrêmement fine là, des effets de la démocratie sur les mœurs, la culture et les mentalités. Ça, c'est le deuxième tome qui va paraître en 1840, donc qui va énormément travaillé sur ces deux ouvrages qui sont écrits dans une langue très épurée, très accessible quand même, exempte de jargon. Et il y a des accents prophétiques dans le premier tome, par exemple, dans sa conclusion, il prédit que les États-Unis et la Russie seront les deux grands empires qui vont dominer le monde un de ces jours, empire en guillemets. Là. Et donc, Tocqueville, c'est quelqu'un qui est un aristocrate, on sent qu'il a une sorte de respect pour les valeurs aristocratiques de service, la grandeur de l'État, de la nation, mais en même temps, il sent que le régime d'égalité démocratique est inévitable et on a l'impression qu'il veut conserver quelque chose de l'ancien, éviter que la démocratie, dans ses aspects les plus pervers, de désordre, comme on a connu en France en 1793, triomphe. Donc, c'est un homme qui tente une sorte de synthèse. Et pourquoi ce livre-là, La démocratie en Amérique, c'est un classique, là, c'est encore étudié aujourd'hui dans les écoles de Sciences Po. Tous les gens formés en sociologie ont lu Tocqueville. C'est un livre qui est traduit dans de nombreuses langues. Pourquoi c'est si important, Éric Bédard, ce livre-là? Parce que c'est un livre qui décrit un peu le régime social démocratique. Comment l'égalité sociale entre les individus transforme les rapports entre les individus. Et donc, c'est un des premiers. Au fond, il considère que les États-Unis sont une sorte de laboratoire de la démocratie. Mm-hmm. Il dit, ça, c'est un peu l'avenir du monde, là. Il est en 1830. L'avenir du monde, c'est aux États-Unis que ça se passe. Donc, allons voir ce qui nous attend, nous, en Europe, en allant enquêter sur ce régime d'égalité et voir ses côtés sombres et ses côtés intéressants, peut-être. Ouais. On écoute Claude Corbeau là-dessus, politologue à l'Université du Québec à Montréal, qui parle de la motivation de Tocqueville à partir en Amérique, mais aussi beaucoup, justement, de cette vision de la démocratie qu'il va observer, la vision de la démocratie qu'il va développer lors de son séjour en Amérique. Quand Tocqueville s'est rendu aux États-Unis, en 1831, ce qui l'intéressait, c'était d'étudier non seulement les institutions politiques caractéristiques d'une société démocratique, mais de voir jusqu'à quel point le phénomène démocratique pénétrait toute la vie des hommes. Pour comprendre cet élargissement du concept de démocratie chez Tocqueville, il faut se rappeler ce qu'il écrit dans l'introduction au premier volume de « La démocratie en Amérique ». Et la citation n'est évidemment pas exacte, mais c'est la substance. « Depuis le Moyen Âge, dans les sociétés d'Occident, on assiste à une révolution. Une révolution qui transforme petit à petit, et parfois brutalement, par exemple la Révolution française, qui transforme petit à petit les sociétés d'aristocratiques qu'elles étaient en sociétés démocratiques, caractérisées, non pas comme on serait porté à le croire par la liberté des individus, mais caractérisée d'abord et essentiellement par l'égalité des hommes. Le phénomène fondamental pour Tocqueville, c'est l'égalité entre les citoyens. Et c'est ce qu'il a vu dans la société américaine, qui était à ce moment-là, comme il le dit lui-même, dans le fond, la société démocratique la plus avancée. C'est important, ça, cette observation de Corbeau, mais c'est ça qu'il découvre, décortiquer, en fait, les ingrédients, qu'est-ce que c'est que la démocratie? Oui, exactement. Égalité et comment concilier justement liberté et égalité, triomphe, dictature de la majorité, mais en même temps préservant les libertés, préserver aussi un espace pour la culture, le beau, le grand, la place du commerce. Alors, la concurrence pour les postes électifs, enfin, tout ce que ça a comme effet, le rapport au passé, le rapport à la culture. Alors, il va vraiment étudier ces questions-là dans son grand ouvrage « La démocratie en Amérique ». Et il va aussi devenir un homme politique. Mm-hmm. Qu'est-ce qui va rester, Éric? Parce qu'effectivement, il ferait de la politique en France plus tard. Est-ce qu'il reste quelque chose de ce portrait, de cette démocratie qu'il découvre en Amérique, dans son action politique à lui? Oui, il sera donc député de 1839 à 1851. Il sera aussi un élu local. On va le considérer comme un libéral conservateur, c'est-à-dire qu'en 1848, il s'implique beaucoup dans cette jeune et nouvelle république qui s'instaure. Il est plutôt pour le libre-échange, il est contre l'esclavage et il est, avec d'autres, chargé de rédiger une constitution républicaine à la fin des années 1840, justement une constitution qui pourrait à la fois faire la synthèse entre une plus grande égalité entre les individus, plus grand suffrage aussi, éventuellement un suffrage universel, mais en même temps sans aller vers les dérapages que la France avait connus en 1793, avec aussi tout le phénomène de guillotine, les gens qui étaient l'arbitraire, enfin, hein, le règne de l'arbitraire. Alors donc, c'est quelqu'un qui va essayer de concilier ça. Il vient en Amérique, donc, tout jeune homme, il a 26 ans, il fait ce grand voyage, il arrive en Amérique le 9 mai 1831. C'est pas un hasard, la date est importante puisque c'est un nouveau régime qui est en France, le régime de Louis-Philippe, donc un régime que son père désavoue, et on demande à des gens comme lui d'adhérer au nouveau régime. Il est plutôt mal à l'aise, il va adhérer du bout des lèvres, là, il va pas très très enthousiaste. Donc, il cherche un peu une raison pour partir de cette France nouvelle qui lui dit rien qui vaille. Et il obtient, dans le fond, un mandat du gouvernement de ce nouveau régime pour aller enquêter sur les prisons. Mais c'est assez frais. Il quitte vraiment assez frais. Mais ça, c'est important parce qu'au fond, on ne retient de ce voyage en Amérique que son livre, La démocratie en Amérique, alors qu'il est mandaté. La raison première, c'est cette étude du système pénitentiaire américain. Et les chercheurs montrent que c'était pas juste un prétexte. On a beaucoup dit que c'était un prétexte. Ouais. Finalement, c'était quasiment du tourisme intellectuel et puis il prenait des notes pour faire son grand livre. Mais non, il a produit avec son ami Gustave de Beaumont un rapport très substantiel sur le système pénitentiaire. Parce que oui, il y avait la question du régime de l'égalité américaine, mais il y avait aussi une chose qui fascinait les Européens à ce moment-là, c'était le nouveau régime pénitentiaire américain qui avait été instauré durant les années 1820 par des philanthropes, par des gens, des réformateurs sociaux qui voulaient avoir un système de pénitentiaire beaucoup plus rationnel où on pouvait partager les véritables criminels, des vagabonds, des malades mentaux, et on espérait, les philanthropes espéraient aussi réhabiliter d'une certaine façon les criminels, leur enseigner de meilleures vertus, les faire travailler. Alors, il y avait tout un esprit, et il y a deux prisons qui sont développées dans l'État de New York en 1823 et 25, et on vient faire enquête sur ce système et on espère que ça va influencer les prisons, parce qu'oubliez pas, les prisons, c'était le bagne, hein, c'était les bagnards, comme dans Les Misérables, c'est des gens qu'on mettait de côté, on les marqués au fer rouge, et c'était un peu des gens qui étaient stigmatisés pour le reste de leur vie. Et là, on a une nouvelle approche de l'emprisonnement, de l'enfermement avec les années. Donc, il vient à la fois pour comprendre la démocratie et il vient aussi pour faire cette enquête substantielle sur les prisons, et il va en produire un rapport important. Et puis, il va venir aussi. Donc, il passe des mois, en fait, aux États-Unis. Il va passer... quoi, une dizaine de jours, il viendra au Bas-Canada. À peine. Alors, il vient à peine deux semaines au Bas-Canada. Et écoutez, c'est complètement fascinant parce que Pourquoi est-ce qu'il vient ici? Alors, d'abord, il commence par faire, il fait des voyages. Hein, il fait un voyage. Il va à l'intérieur des terres très rapidement parce qu'il veut pas seulement rencontrer les officiels ou des intellectuels ou des politiciens. Il rencontre le président Andrew Jackson avant de revenir en France, mais il veut aussi sentir le pays dans sa géographie. Et donc, il va aller à l'intérieur des terres. Il va se promener à l'intérieur des terre, dans la région des Grands Lacs, il va aller jusqu'au Michigan. Et là, je vous cite un extrait, il va écrire un texte qui s'intitule « 15 jours dans le désert », c'est-à-dire dans cette espèce de voyage qu'il fait autour de la région des Grands Lacs. Il raconte la chose suivante. « Comme je me préparais moi-même à monter à cheval, le prétendu Indien, je reviendrai plus loin, le prétendu Indien s'avança vers moi, me plaça deux doigts sur l'épaule et me dit, avec un accent normand qui me fit tressaillir, « N'allez pas trop vite, main. Il y en a des fois qui se noient. » Mon cheval m'aurait adressé la parole que je n'aurais pas, je crois, été plus surpris. J'envisageais celui qui m'avait parlé et dont la figure frappée des premiers rayons de la lune réduisait alors comme une boule de cuivre. « Qui êtes-vous donc ?» lui dis-je. « Le français semble être votre langue et vous avez l'air d'un Indien. » Il me répondit qu'il était un bois brûlé, c'est-à-dire le fils d'un Canadien et d'une Indienne. En fait, c'était un métis qui l'accompagnait durant ce voyage. Donc, on a là un esprit, un des plus grands esprits de son temps, qui, et l'avenir le dira, qui ignorait, mais totalement, qu'il y avait encore des francophones, des parlants français en Amérique. Pour lui, c'était une histoire réglée, il y avait eu la conquête, c'était terminé. Et cet extrait qui nous dit qu'il était aussi surpris que si le cheval lui avait parlé, m'a toujours beaucoup frappé, parce que quand même, la conquête, c'est à peine 70 ans avant. C'est quand même très récent. Alors, ça veut dire que pour des gens aussi éduqués, aussi cultivés qu'Alexis de Tocqueville, n'existons plus. Cette page d'histoire avait été balayée. C'était balayé de la mémoire collective de la plupart des Français. Et cette rencontre sera importante. C'est le déclencheur, au fond. Il dit, mais il faut que j'aille voir. Exactement. Alors, c'est quelqu'un de très curieux. Il se dit, maintenant que je vois que ces gens-là existent, je vais aller faire mon tour. Et il vient au Bas-Canada, mais vous avez raison, très rapidement, du 23 août au 2 septembre 1831. C'est un voyage, donc, très court. Il va à Montréal, à Québec, il va en campagne. Il rencontre quelques personnalités intéressantes. Il rencontre le supérieur des Sulpiciens, mais c'est un Français d'origine, c'est pas un Canadien français. Il rencontre aussi les frères Mondelet, qui sont des réformistes très modérés, qui vont appuyer quelques mois plus tard le gouverneur contre les patriotes. Il rencontre aussi John Nielsen, qui est un proche de Papineau à l'époque, dans la région de Québec, mais qui lui aussi va prendre un peu ses distances de Papineau plus tard. Et, fait à noter, il ne rencontre pas Louis-Joseph Papineau. Et à propos de Papineau, justement, on écoute un extrait d'entrevue de Jacques Vallée. Jacques Vallée, qui est un ancien sous-ministre québécois à qui l'on doit le recueil Tocqueville au Bas-Canada. La première édition remonte à 72. Il nous parle, justement, du passage de Tocqueville au Bas-Canada. Puis, vous allez voir, il parle de cette non-rencontre avec Papineau. Mais Tocqueville, qui est pour nous l'auteur de la démocratie en Amérique, donc un auteur qui a beaucoup travaillé sur le fédéralisme. Tocqueville, arrivant au Canada en 1831, prend nettement fait et cause pour les Canadiens français, se demande comment se fait-il qu'ils acceptent cette situation dans laquelle ils les ont placés, pourquoi est-ce qu'ils ne se révoltent pas. Il va même chercher à travers le Canada français le chef possible d'une révolte. Malheureusement, il ne rencontrera pas Louis-Joseph Papineau. Quel portrait nous aurions eu s'il avait rencontré Louis-Joseph Papineau? Mais effectivement, Éric Bédard, quel portrait nous aurions eu s'il avait rencontré Louis-Joseph Papineau? En effet, d'abord, il aurait rencontré quelqu'un de très cultivé, quelqu'un de très... qui connaissait bien la politique européenne, française. C'eût été certainement un interlocuteur de premier plan pour Tocqueville. Mais parce que déjà, il est sympathique à la cause des Canadiens. Il est sympathique. Français. Alors, regardez ce qu'il écrit, par exemple, lorsqu'il découvre le Bas-Canada. Il dit, je ne puis vous exprimer quel plaisir, c'est une lettre à l'abbé Le Sueur du 7 septembre 31, un correspondant, je ne puis vous exprimer quel plaisir nous avons éprouvé à nous retrouver au milieu de cette population. Nous nous sentions comme chez nous, et partout on nous recevait comme des compatriotes, enfants de la vieille France, comme ils l'appellent. À mon avis, l'épithète est mal choisie. La vieille France est au Canada, la nouvelle est chez nous. Nous avons retrouvé là, surtout dans les villages éloignés, des villes, les anciennes habitudes, les anciennes mœurs françaises. Et il poursuit un petit peu plus loin, rapidement, je me permets. Ce sont encore des Français très pour très, dit-il, à propos de nous, les Canadiens français. Non pas seulement les vieux, mais tous, jusqu'au bambin qui fait tourner sa toupie. Comme nous, ils sont vifs, alertes, intelligents, railleurs, emportés, grands parleurs et fort difficiles à conduire quand leurs passions sont allumées. Ouais. Alors, voyez, il sent qu'il y a ici un caractère français. Et puis, Jacques Vallée l'évoquait dans l'extrait qu'on vient d'entendre, il sera frappé par l'inégalité, la situation que vivent les Canadiens français. Il prendra fait et cause, disait Jacques Vallée, pour les Canadiens français du Bas-Canada. Ça, il va le constater. Il va se désoler aussi un petit peu de la pauvreté de la langue, du débat. Oui, alors, un des extraits les plus célèbres, justement, c'est une lettre du 27 août 1831. Parce que c'est un juriste, Alexis de Tocqueville. Alors, il se dit, je vais aller voir comment ça se passe dans une cour. Il se rend à la cour de justice, au palais de justice de Québec, vraiment comme un simple observateur. J'aurais aimé avoir une caméra pour capter ça. Il visite donc un tribunal et il constate la pauvreté. Moi, je ne sens pas de condescendance. Je sens plus de la tristesse que de la condescendance. Là, c'est pas le Français qui débarque. Tristesse qui double. Je reviens là-dessus. Tristesse de la situation, l'infériorité dans laquelle on est confiné à ce moment-là comme francophone, et tristesse par rapport à ce niveau pauvre du débat. Et de exactement. La il dit, hein, il dit bien, je marche là, j'entends le français, ouais. mais le visage des villes, Montréal et Québec, est anglais. Alors, encore un extrait. Je trouve que d'abord, c'est très bien écrit. Vous allez voir une lettre du 27 août 1831. Les avocats que je vis là, il parle de sa visite au palais de justice, et qu'on dit les meilleurs de Québec ne firent preuve de talent ni dans le fond des choses, ni dans la manière de les dire. Ils manquent particulièrement de distinction, parlent français avec l'accent normand des classes moyennes. Il connaissait bien la Normandie. Il était lui-même un Normand. Leur style est vulgaire et mêlé d'étrangeté et de locution anglaise. Ils disent qu'un homme est chargé de 10 louis pour dire qu'on lui demande 10 louis. « Entrez dans la boîte », crie-t-il au témoin pour lui indiquer de se placer dans le banc où il doit déposer. L'ensemble du tableau a quelque chose de bizarre, d'incohérent, de burlesque même. Le fond de l'impression qu'il faisait naître était cependant triste. Je n'ai jamais été plus convaincu qu'en sortant de là que le plus grand et le plus irrémédiable malheur pour un peuple... c'est d'être conquis. Alors, moi, ce que je lis là-dedans, c'est sûr que c'est un homme de son rang, c'est un aristocrate, mais je sens une tristesse davantage qu'une condescendance. Oui, une condescendance. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Y a-t-il des leçons, Éric Bédard, à retenir de ce passage de Tocqueville au Bas-Canada, en Amérique plus largement, mais d'abord au Bas-Canada? Moi, ce que je retiens, c'est que, vous savez, durant les dernières années, on a beaucoup dit que les rébellions, le mouvement patriote était un grand mouvement républicain, et je pense que c'est une évidence. Si on regarde les 92 résolutions, je pense que c'est une évidence que c'est un mouvement porté par le Printemps des Peuples, hein, qui surviendra un peu plus tard. Sauf que, ce faisant, on gomme parfois l'antagonisme national réel qui existait, un antagonisme que sent bien. Tocqueville, et je vous cite un dernier passage, si vous me le permettez, un dernier passage, il dit la chose suivante, dans une lettre du 25 août 31, « Mais il est facile de voir que les Français sont le peuple vaincu. Les classes riches appartiennent pour la plupart à la race anglaise. Bien que le français soit la langue presque universellement parlée, la plupart des journaux, les affiches et jusqu'aux enseignes des marchands français sont en anglais. » Je ne puis croire qu'ils se fondent jamais, ni qu'il puisse exister une union indissoluble entre eux. J'espère encore que les Français, en dépit de la conquête, arriveront un jour à former à eux seuls un bel empire dans le Nouveau Monde, plus éclairé peut-être, plus moraux et plus heureux que leur père. Pour le moment actuel, cette division entre les races est singulièrement favorable à la domination de l'Angleterre. Donc, en 1831, la perception que ce grand esprit, c'est que il y a là un antagonisme national qui n'est pas réglé, et il espère que ça va se régler, mais il voit difficilement comment. On peut le comprendre. Et on peut le comprendre à ce moment-là, oui. Éric Bédard, merci beaucoup, Éric. Merci à vous. Si vous avez envie d'écouter ou de réécouter nos émissions, abonnez-vous à notre balado-diffusion sur iTunes ou rendez-vous sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire. Vous pouvez aussi nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.